Je vais skier la poisse et les gens. On va pas rester longtemps. Vous boirez pas mon sang. Si je pars, je reviens jamais. On coupe en cale, on vend. On va pas rester longtemps. Vous boirez pas mon sang. Si je pars, je reviens jamais. Bye bye. Peut-être je t'ai là et vu que tu jalouses des choses que j'ai pas. On est physionomiste mais toi on te connaît pas. Tu viens sûrement chercher chose qu'elle vu ton état. Je revenais de ma poche d'arène blasée. Un seul pleureur pour ombrager. Je ressors de l'épicerie avec une bouteille neuve. Je reçois des jets de riz de trajet. Je sais pas ce que tu cherches, tu me briefes pendant 10 piges avant d'en venir au fait. Mais tu le ravales deux fois plus qu'un tien tant que ça vient de mon refrain. Un malin ne vient jamais seul, tu vas te faire mêler. Même si je peux guetter par le trou de la serrure, tout ce que je vois c'est une porte scellée. Je vais skier la poisse et les gens. On va pas rester longtemps. Vous boirez pas mon sang. Si je pars, je reviens jamais. On coupe en cale, on vend. On va pas rester longtemps. Vous boirez pas mon sang. Si je pars, je reviens jamais. Bye bye. Tu voulais pas t'en sortir, tu voulais me voir couler aussi. Ami, tu fais sa confiance, tout est nocif. Non, j'ai plus l'âge de croire que tout est possible. T'as braqué l'idole en claquette. Kiri Kachir dans la baguette. Ouais, je me serais bien vu rouler sur leur mèche. J'étais bon qu'à rouler sur une plaquette. Mali et bisous sur le front de maman quand les poulettes t'emmènent. Les poulettes t'emmènent. Ray ou grosse affaire, même si tu poucaves, tu vas tourner quand même. Tourner quand même. Si tu croises là-bas qu'on fait rouge, fausse des capuchets. 120 gigas en cellule, frère, t'attends plus samedi, soit pour pas lucher. Je vais skier la poisse et les gens. On va pas rester longtemps. Vous boirez pas mon sang. Si je pars, je reviens jamais. On coupe en cale, on vend. On va pas rester longtemps. Vous boirez pas mon sang. Si je pars, je reviens jamais. Bye bye. Bâtiment gris, peinture craquante. Trois têtes poncées sur un 50. Garde à sans suite, ça dure qu'un temps. Gamelle punaise de lit t'attend. Bâtiment gris, peinture craquante. Trois têtes poncées sur un 50. Garde à sans suite, ça dure qu'un temps. Aux arrives, on fait des potes danses. J'ai ski la poisse et les gens. On va pas rester longtemps. Vous boirez pas mon sang. Si je pars, je reviens jamais.